après, le monde est toujours là, rempli d'objets variables, d'un intérêt moyen. Fusil qui fait instable une lumière terre descend du ciel. C'est la phase B, son plaisir est sans vraie souffrance, son espère, tu as les chiens, tu te fuyais, tu ne sais plus sûr, tu tuerais, mais logique, il n'y a que le passé qui blesse, le temps de rêve, et de l'ivresse, la vie n'a rien. Tu perds son attrait, le monde est toujours là, rempli d'objets variables, d'un intérêt moyen. Fugit qui fait un stade, le bébé à terre, descend du ciel à c'est la phase B, elle est sans, sans plaisir, sans vraie souffrance, je te sais, tu as dû, tu te oubliais, tu ne sais plus sûr, tu dirais, mais c'est aussi, il n'y a que le passé qui pleure, j'en irai, il ne regrette, la vie n'a rien. Il n'y a que le passé qui blesse, j'en dirai.